On veut chiller dans des beaux apparts. Que du passe-temps et aucune économie. Je me sens il est Colombis, roi du vice, please, please, please, pas de juice. Quand comment le rap, je vois un coup d'état. On va pas s'en tirer, comment tu détales. Wow, paraît que jamais tu chichas. Paraît que t'as pu tes chichas. Paraît que jamais tu chichas. Faut pas mentir. Hey, grosse tâche, tu deviens trop déterniqué, ton staff est pas la belle. Ton équipe est dans la tèche, mon odyssée est dans la sphère. Wow, pense qu'à terre, viens, wow. Je suis solo, relâchis, hey, j'oublie mes couvertures. Toi t'en shot, quand y'a du lion, sors dans la voiture. Pas d'amour pour toi, grand d'amour pour les miens. Tu peux plus taper une nagua, fais dans la voiture. Sous ma toiture, il s'en passe tant. S'il y a pas de terre, mon lobby n'est pas partant. Personne se s'en sort, y'a un peu à son cul. Elle est bonne, qu'elle sort ta bite, fais son cul. I-A, je recharge le kick comme Vegeta. Parce que les shit, j'en fais des tags, on les allonge, j'compte sur les tas. Elle est taquée, j'fais trop de boulettes sur ta guinée. J'ai trop de tactique, mais on s'en peut pas, c'est pas fini. Vu là, j'écris des textes trop sales, mais j'sais pas dessiner la blanche, la verte, le noir. Mais pas ton dos pour décider, je me déterre tous les soirs, bientôt 10 ans, je suis lessivé, je crois que je vais finir comme Biggie, tout pas quand j'vendrai tes CD, elles font les belles, elles font les tapes, la vie de moi, je suis excédé, fais pas le faux, fais pas tu es gros si t'as bêté X les bains, ou si le run, yon si le zoo, ça je m'en tape de ta cité, ça fait les gros, ça fait les pleins. Mais quand je parle cash, ça fait les pains. Tu veux le million dans la main, sale bâtard, tu fais bouchin. Arrête de plaindre, ouais c'est normal si ça bouchonne. Tu veux le million dans la main, un petit conseil, faut faire du sol. Faut faire du sale, faut faire du sale, faut faire des sols. A la base, à la base, à la base, j'rappais déjà, t'étais à la masse. Tu peux rien fumer, t'as pas la masse. Tout se passe bien, j'ai pas la classe. Même assis, j'te remets à ta place. Ils veulent plus kicker, mais ça passe, me crée à la base. Quelques secrets à la casse, là je t'y prends pas la tasse. Au flow rouillé à la casse, le mien du kick à la basse. Jali à le face, m'en fous, Siraki a pas les fesses. Je suis pas là pour elle à la base. Dans mon flow, tu bois la tasse. Non, je calcule pas la presse. Aucune pression à la base. Quelques hosties à la messe, quelques bullshit à la tête. Oh la RTT. La gueule on connaît, on voit la monnaie, on parle pas beaucoup. Ta meuf a un vrai dos, c'est son seul atout. Planque mon arc dans ta foule, y'a R, pourquoi tu t'affoles hein? Lionzon dans la neuzo, il fout pas de réseau. Décale, bif, change de fuseau. La frappe est diffusée, non, j'ai pas du ciné. J'ai juste besoin de pesos, c'est pas du ciné. La péniche est noyée, donne son corps pour payer le loyer. Yankee veut cop, gros y'a plus de thé. Rupture de stock, je dois recharger. Yankee veut cop, mais j'ai plus de thé. Rupture de stock, je dois recharger.